Mon ami Lassimi Loutin, toujours contre le marché de Noël. Mon ami Lassimi Loutin. Mon ami Lassimi Loutin. Mon ami Lassimi Loutin. Mon ami Lassimi Loutin. Le lendemain, au marché de Noël. Mais comment allons-nous faire pour déjouer les plans de cet infâme fantôme de Georges Marchais sans grand merguez et ses bons conseils? Ouf! Oui, tu as raison, Lassimi Loutin! Tout le monde sait que grand merguez sent bon le sapin, et grâce à ton flair exceptionnel, tu vas pouvoir la retrouver à l'odeur! Un peu plus tard, alors que l'action piétine. Oh, mais nous tournons en rond, tout sent le sapin ici! Comment faire pour retrouver grand merguez? Au même moment, derrière lui. Ouf! Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi veux-tu que je me retourne? Eh oui! Cette cabane est bien étrange! Elle vend des œufs de Pâques alors que nous sommes à Noël! Allez, faisons une petite pause! Ça fait au moins depuis Pâques que je n'ai pas mangé d'œufs de Pâques! Et hop, dans la baraque qui vend des œufs de Pâques. Comme ces œufs de Pâques sont bons! Oh, je n'aurais pas pu attendre Pâques! Mais dis-moi, mon Lassimi Loutin, c'est toi qui te délectes bruyamment des œufs de Pâques? Mais quel est ce bruit? Qui est-ce? Mais cet œuf de Pâques sans le sapin! Grand merguez! Le petit gars, merci de m'avoir délivré! Le fantôme de Georges Marchais n'existe pas! En fait, c'est... Eh oui, c'est moi, le directeur du marché de Noël! Ça fout les boules, hein? Ça vous met les foies! Mais je ne comprends pas! Pourquoi voulez-vous saborder votre beau marché de Noël et ainsi mettre sur la paille de bons et honnêtes artisans? Eh bien, j'avais dans l'idée de faire exactement la même chose au début. Aider les bons et honnêtes artisans. Mais je me suis bien rendu compte que ceux-ci payaient beaucoup trop de charges. Et le marché de Noël n'est plus du tout rentable. Les artisans croulent sous les taxes et les charges salariales en tout genre. Avec en plus les 35 heures, ils vont bientôt être eux-mêmes sur la paille. J'ai donc décidé, en faisant fuir les gens, de saborder le marché de Noël et ainsi d'ouvrir le premier aéroport en centre-ville. Oui, un aéroport où les gens arriveraient directement place du commerce, sans avoir à prendre des transports en commun. Et ainsi, ce sera un aéroport avec des fonctionnaires payés au lance-pierre et sans ce problème des 35 heures. Mais vous avez déjoué mes plans et il ne me reste plus qu'à prendre mes jambes à mon cou. Oh ! Mais quel imbécile ! Il aurait mieux fait de partir en courant plutôt que de prendre ses jambes à son cou. Eh ben dites donc, on s'en est bien sorti une fois encore. Je vous félicite tous les deux. Grâce à vous, nous continuerons à avoir un beau marché de Noël avec des artisans honnêtes et droits. Et relevez-moi, j'ai un peu mal. Oh, Lassimi Loutin ! La morale. Si les chiens avaient été interdits de marché de Noël, on aurait un aéroport place du commerce. Et les artisans l'auraient dans le cul. Mon ami Lassimi Loutin. Mon ami Lassimi Loutin. Lassimi Loutin.